fait tout. Son femme qui pas compte pas pour le pas faire l'obéi. Ma suivi trop petit pour le monter. Cathédrale trop bas pour le chita. C'est seul madame Polo qui cap mesure. Oh Marianne, moi dis oh, canon pang. Oh Marianne, son femme qui pas fait l'obéi. Oh Marianne. Ou gen kontak lan fè tou. Son fòm ki pa kon pe pa pou l pa fè l'obèy. Ma suivi pou piti pou l monte. Katedral tro ba pou l chita. Si sèl madan kolo ki kap me tuel. Thank you. pas passer l'année. Madame ça, pas qu'un garçon qui approche là.